animation complète. Je reçois toutes sortes de demandes. Ces demandes sont entre autres celles-ci, et je cite: j'aimerais entendre cette pièce de ce groupe. J'aimerais que vous ayez en entrevue ce groupe. Aurez-vous des billets à faire tirer? Voulez-vous faire jouer notre album ou notre démo? Pouvez-vous nous recevoir en entrevue? Etc. J'en passe, et des meilleurs. Vous voulez une réponse à toutes ces questions? La voici. Eh bien, non, on ne fait rien de tout ça. Et pourquoi? Parce que ça nous emmerde et que c'est ennuyant. Mais non, c'est une blague. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes encore pire, bande de clowns hallucinants. Voici Réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque je vous aurai diagnostiqué mort, et qu'en fait, ce sera probablement bien pire que ça. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, 'cause Pendragon said so. Go.

contest. He is in the bowl. Always forever. And aim for the throne. Qu'elle s'appelle Cocotte, vieille bagnole, bazou, taco, minoune, votre vieille voiture peut terminer ses jours la tête haute et aider à sauver des vies. Ici Jacques Duval. Participez à la lutte contre les maladies rénales en donnant votre vieux véhicule à la Fondation canadienne du Rhin. Le remorquage est gratuit, vous recevrez un reçu d'impôt et votre auto sera entièrement recyclée. Faites don de votre vieux véhicule en appelant au 1-888-228-8673 et visitez rhinquebec.ca. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Archambault, au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des Récollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux. De plus, sur présentation de votre carte étudiante, profitez d'un rabais de 15% sur les livres à prix régulier. Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lecture et profitez du mardi au jeudi des prix choc sur les nouveautés musique et vidéo. Archambault et archambault.ca, la culture du divertissement. C'est fou, ça. 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 5 octobre, le long de Disgrâce 2010. Je suis Dr. Payne Pendragon et je serai avec vous ou contre vous jusqu'à 23h. Ce soir, ce cher Sinistros a dû s'absenter, ce qui fait que c'est la fête. Je suis seul maître à bord sans aucune obstination en vue, et encore moins de devoir subir ses tristes choix musicaux. Pauvre Sinistros, s'il m'entendait. Mais il n'est pas si mal que ça. Bref, juste avant cette pause publicitaire, vous avez eu le grand privilège d'entendre la formation Origin et la pièce Wrath of Vishnu que l'on retrouve sur Antithesis. Pièce très intense qui se termine sur une note tout à fait, je dirais, pratiquement joyeux. J'aime beaucoup le contraste. Très bonne pièce, très bon album, très bon band aussi. Juste auparavant, c'était Cannibal Corpse. C'était la pièce de Cannibal Corpse de la semaine. Le décompte est presque à sa fin. C'est à sa fin pour le Metal Fest. Je vous en parle dans quelques instants. Donc, Cannibal Corpse, j'avais dit que je vous passerais une pièce par semaine jusqu'au Metal Fest et je tiens parole. La pièce étant une pièce que je crois savoir être appréciée de John Sopper's Five Nails Through the Neck, que l'on trouve sur l'album Kill, qui est paru en 2006, sur l'étiquette de Metal Blade, juste auparavant Fear Factory. La pièce Self-Bias Resistor, pièce que qui est tirée de l'album The Manufacturer de 1995, dont je me suis procuré ce week-end, le week-end dernier, la version vinyle. Album double, Gatefold, 180 grammes, une pure merveille. Et, en fait, le prix allait avec, là, mais quand même, il reste que c'est une vraie belle pièce de collection. Et, je vous reviens avec les vinyles. Juste avant Fear Factory, nous avions Ball Thrower et la pièce Remembrance que l'on retrouve sur le très bon album For Victory, qui est paru en 1994 sur Earache. Et nous avons ouvert avec une formation québécoise et défunte, Oblivion, et la pièce Android Sakabas, tirée de l'album Cyber Void de 1995, signé étiquette hypnotique. Ceci étant dit, Effectivement, je vous parle du décompte du Metal Fest puisque ça approche à grands pas. En fait, c'est moins de deux semaines puisqu'on parle du vendredi 15 et samedi 16 octobre. Donc, pour l'occasion, j'ai fait l'invitation à Jeff de venir nous faire une petite incursion spéciale la semaine prochaine pour évidemment nous promouvoir le dernier sprint pour le Metal Fest de 10e édition et aussi évidemment entendre ses sornettes et ces choses qui sont tout à fait absurdes mais qui sont vachement rigolotes. Bref, je ne sais pas, je lui ai fait l'invitation tout juste avant de venir faire l'émission ce soir, donc j'imagine que Jeff m'aurait répondu soit à mon retour ou je le verrai demain. Ben, en fait, je verrai la réponse. Il est possible, et je crois même qu'il va venir. Habituellement, il ne refuse pas une invitation de venir faire festoyer avec son vieux docteur. Donc, le Trois-Rivières Metal Fest 10e édition, 10e anniversaire aussi, se tiendra cette année, comme les années antérieures, en fait les dernières années antérieures, à la bâtisse industrielle, ici à Trois-Rivières, située au 1760 Avenue Gilles Villeneuve. Pour ceux qui ne seront pas familiers avec l'endroit, c'est directement à l'arrière de ce qui est hippodrome, complexe de jeux et près de la centrale de police. Ce que nous, ici, Trifluvion, appelons communément le terrain de l'expo. Bref, vous pourrez voir vendredi le 15 les formations suivantes, soit Unfallen, Strig Empire, Divinity, une formation de Calgary, Blind Witness, Misery Index, je crois qu'ils n'ont plus besoin d'être présentés, formation américaine, Mon Oncle Serge et Anonymous, et The Spies Icon. Et tant qu'au... Ben, en fait, je vous dis qu'il y a aussi l'After Show, le vendredi 15 qui se fera au Rock Café Le Stage, à partir d'une heure du matin, avec Norseman's Wrath, qui se veut un hommage à Amon Amarth. Et il en coûtera 5$ pour y assister. C'est 1h du matin, comme je l'ai dit. Et il y a des spéciaux, c'est pour tous. Et tant qu'au samedi 16 octobre, Super Enlightenment, Or Fiction, Revocation, formation des États-Unis, Augury, qui remplace Blackguard, qui n'ont pu finalement honorer leur... qui ne pourront pas se présenter tout court. Donc, Augury, Neuraxis, Martyr et Cannibal Corpse. Ça, j'ai bien hâte de voir ça. Les portes ouvrent à 17h, que ce soit pour le samedi ou le vendredi. Les spectacles débutent à 18h30. C'est pour tous. Et tant qu'au prix des billets, vous pouvez vous les procurer individuellement, c'est-à-dire soit pour le vendredi ou pour le samedi, au coût de 35$. Et le forfait deux soirs est au coût de 60$. Justement, à cet effet, je suis allé faire un tour au centre-ville le week-end dernier et semble-t-il que les billets se vendent excessivement bien. Certains endroits, semble-t-il, avaient même demandé de se refaire feeder, si on veut, se faire renouveler leur lot de billets à vendre. Donc, je pense que vous auriez intérêt à vous grouiller le derrière. En fait, ici, là, on parle pas nécessairement des forfaits pour deux soirs, mais bien des billets individuels. Donc, go. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Peu importe. Et il y a aussi un after show qui se fera le samedi 16 au Rockafé Le Stage et qui mettra en vedette Exalt et Messrine. Ici encore, c'est à partir d'une heure du matin. Il en coûtera 5$ et il y a des spéciaux. Je vous parlais de vinyle tout à l'heure et je crois sincèrement, j'en suis de plus en plus convaincu que je n'achèterai plus d'autre chose que de la musique sur format vinyle. Je vous dis pourquoi. Vous le savez, je suis un amateur, je suis un consommateur de musique depuis plusieurs décennies, donc j'ai connu le vinyle avant l'avènement du CD, ce qui probablement que pour bon nombre d'entre vous n'est pas le cas. Mais, vénérable comme je le suis, du moins en ce qui concerne l'âge, j'ai connu la transition. Et il y a un dicton qui dit « rien ne se perd, rien ne se crée ». Et je suis tout à fait en accord généralement avec ce dicton, et qui plus est, ici présentement, avec ce qui concerne les médias de transmission musicale. Bon, vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais honnêtement, prenez le temps de vous magasiner une table tournante digne de ce nom. Mais je ne vous demande pas ici d'aller vous chercher une Oracle à 52 000 $ là. Non, pas du tout. Dans le pire des cas, trouvez-vous n'importe quelle espèce de table compatible USB, peu importe. Et allez chez un disquaire spécialisé pour aller vous chercher votre album préféré en version vinyle, votre band préférée, vos bands, vos albums, peu importe. Parce que faut pas se le cacher. Maintenant, je dirais au moins à 70% présentement, lorsqu'une parution métal qui sort en édition CD, elle sort aussi simultanément et des fois avant en version vinyle. Bon, donc, je reprends le processus. Trouvez-vous une table tournante qui fait la job. On s'entend que sur un petit électrophone Mickey Mouse, là, ça risque pas de vous épater fort fort. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui pourrait vous épater avec ça. Donc, allez vous magasiner votre disque vinyle. Vous allez comprendre une chose du moment que vous allez l'avoir dans les mains. C'est qu'on parle d'une œuvre d'art. On ne parle pas d'une pochette qui a 12 cm par 12 cm où le dessin original a été tellement shrinké qu'on a l'impression que c'est pas l'album qu'on recherche. Mais en fait, celle-là, mais on peut pas le reconnaître parce que c'est tellement, la qualité est tellement médiocre que, bon, bref, là, vous vous ramassez qu'une pochette qui est de, ouais, je pense que la conversion est de 30 cm par 30 cm, en fait, 12 pouces par 12 pouces, qui souvent s'ouvre en deux. Vous avez les pochettes qui sont souvent remplies d'informations qui renferment le disque proprement dit. Vous avez des fois des bonus qui sont comme le CD original en plus à l'intérieur ou en fait, un espèce de numéro qui vous permet d'aller le télécharger en version légale et top quality. Vous avez des posters, vous avez toutes sortes de trucs. Vous avez aussi la surprise des fois d'avoir un beau vinyle de couleur. Moi, j'en ai trouvé encore un cette semaine, il était gris. Un Cannibal Corpse que je me suis procuré, il était gris. J'ai mon Hellraiser Slayer, il est rouge. J'en ai qui sont transparents. J'en ai qui sont couleur camouflage. Bref, des blancs, des jaunes, des carottés, peu importe. Et là, vous mettez ça sur la table tournante, vous faites play, vous vous asseyez, vous essayez d'être assez lucide autant que possible, d'être pas trop abasourdi par des substances illicites. Puis si c'est votre cas, ben tant pis pour vous. Vous allez sûrement pouvoir écouter quelque chose quand même à travers tout ça et vous vous laissez porter par le son et la richesse de l'enregistrement qui aurait été fait sur le vinyle. Quand vous aurez découvert ça à sa juste valeur, vous allez dire « le CD, c'est de la marde ». C'est pratique pour être transporté en auto. C'est pratique pour être transporté, comme moi, en l'occurrence, quand je fais l'émission. C'est pratique pour quoi d'autre, je ne sais pas. Mais ça n'a rien à voir avec le vinyle. Et vous allez passer des heures à regarder votre pochette, à découvrir des détails que vous aviez peut-être jamais découverts sur le CD parce que c'était trop petit, à trouver des informations qui n'apparaissent pas sur le CD parce qu'il n'y a pas assez de place, puis ça devient écrit trop petit. Quand vous êtes rendu à mon âge, vous allez regarder en arrière les informations, puis l'étude, vous allez dire « qu'est-ce qui est marqué là? » parce que vous verrez plus rien. Mais sur le vinyle, vous allez le voir parce que c'est écrit suffisamment gros. C'était mes plaidoiries pour le vinyle, et j'en suis fort heureux. Bref, il est 21h42. Ce soir, j'ai une émission qui est assez divisé. Ben oui et non. J'ai une grosse partie qui est axée sur le trash metal et j'ai une partie, je dis une partie parce qu'en fait, la prochaine pièce qui va passer dans quelques instants est une pièce qui dure pratiquement 21 minutes et c'est assez weird. Ben en fait, on peut pas s'attendre d'autre chose de formation Meshuggah, mais celle-là, cette pièce-là, elle est particulière. Elle est tirée du mini-album. Je dis mini-album parce que il y a une seule pièce, mais en fait, dans son contenu intégral, il va rechercher pratiquement la totalité du minutage de certains albums complets. Le mini-album est en I, la lettre I comme je en anglais, mais qui est aussi un jeu de mots parce qu'on parle d'œil ici. C'est une pièce qui est en certains mouvements qui est très, par moments très martelante, par moments très éclatée. Mais c'est une pièce que, il y a très longtemps que je n'ai pas passé à l'émission. Si je l'ai fait, parce que les pièces de 21 minutes, normalement, au niveau métal, ça peut avoir tendance à faire décrocher les gens. Mais ici, je ne crois pas que ça va être le cas. Donc, on va se taper ça dans quelques instants. Et j'aurai aussi un mini spécial, Mike Akerfeld. Parce que ça me plaît. Donc, je vous parle d'autre chose tout à l'heure, mais pour l'instant, on va aller se taper. Effectivement que ça nous mène un petit peu plus... Ouais, OK, on va y aller, puis on passera la pub un petit peu en retard. On va y aller avec la pièce Eye de Meshuggah qui est tirée du mini-album du même nom. Puis je vous jure que c'est pas reposant. Go! Salut, c'est Emrical. J'ai participé au festival Vue sur la relève 2010 et l'expérience a été marquante pour l'avancement de ma carrière. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, DJ, cirque ou autres arts de la scène. Propose ton spectacle prêt à être diffusé et prends la chance d'être sélectionné pour la 16e édition du festival. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, Vue sur la relève aura lieu à Montréal du 5 au 23 avril 2011. Les dossiers sont acceptés en ligne jusqu'au 27 octobre 2010 à vuesurlarelève.com. Bonne chance. Tous les mardis dès 16h, on se la joue avec Marie-Michelle et Roxane dans l'univers du indie rock. On se la joue mardi 16h sur les ondes de C'est fou. Archambault, au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des Récollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux. De plus, sur présentation de votre carte étudiante, profitez d'un rabais de 15% sur les livres à prix régulier. Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lecture et profitez du mardi au jeudi des prix choc sur les nouveautés musique et vidéo. Archambault et archambault.ca, la culture du divertissement. Dans l'avion, c'était avec Adam pour mon moral. Chambre en l'or. C'est fou ça. 89.1. C'était la formation Meshuga et la pièce I. Tiré du mini-album I, paru en 2004 sur Nuclear Blast. J'espère que, tout comme moi, vous avez su apprécier cette pièce qui est, ma foi, assez hallucinante. 29 minutes, pratiquement, 20 minutes 59 secondes, je crois. De tout ce qu'on peut retrouver finalement de cette formation Meshuga dans tous ses aspects éclatés, musicaux, parfois mélodiques, parfois très martelants, brutissants, parfois très psychédéliques, éclatés. C'est très représentatif et je trouve ça excellent. Bref, ces dernières 21 minutes étaient consacrées à Meshuga et maintenant nous allons revenir avec le mini spécial Mike Ackerfeld, mais juste auparavant, laissez-moi vous informer des spectacles à l'extérieur de la région immédiate qui sont à venir. Jeudi 14 octobre, si je ne m'abuse, c'est bel et bien la semaine prochaine. Amateur de Zach Wilde pourrait voir Black Label Society en compagnie de Children of Bottom, Clutch et Two Cents. Et ça se passera au Metropolis jeudi de la semaine prochaine, soit le 14, dès 19h30. Ça coûtera $43.50 et $47 taxes incluses. Pour vous procurer les billets via Ticket Pro, c'est pour tous. La formation, je sais pas comment la qualifier. Oui, c'est du métal gore. Est-ce que c'est un théâtre d'horreur? Est-ce que c'est un cirque décadent? Je n'ai aucune idée. C'est peut-être un melting pot de tout ça. Mais bref, c'est très disjoncté. Gore sera en compagnie de Casualties, pardon, Infernum et Mobile Death Camp. Et ça se passera au Théâtre TELUS sur la rue Saint-Denis, 19h dimanche le 17 octobre. Ça coûtera $31.01 ou $35.44 plus taxes pour tous. Pour vous procurer les billets, c'est avec admission. Les amateurs de Old School Death Metal seront sûrement heureux de voir Suffocation en compagnie de Faceless, Through the Eyes of the Dead, Decrepit Birth et Flesh God Apocalypse au Fofone électrique lundi le 18 octobre de 19h, $25, $30 taxes incluses. Admission pour les billets, Nevermore, ceux qui aiment le métal progressif, ce qu'on va écouter un petit peu tout à l'heure d'ailleurs. Nevermore en compagnie de Warbringer, Blackguard et Hate Sphere. Personnellement, je trouve que c'est un mélange assez bizarre, mais bon. Donc, c'est mardi le mercredi le 20 octobre à 19h au Foufounes électriques. Il en coûtera 20$ et 25$ taxes incluses pour y assister. Via admission, toujours. Bon, ici, évidemment, ben, il faudra avoir 18 ans et plus. Epica, en compagnie de Scar, Symmetry, Blackguard et The Agonist, dimanche 21 novembre 2010 de 19h. C'est au Club Soda. Les billets sont en vente au coût de 25, 69 et 30 et 56 plus taxes. Les billets VIP à la porte à 17h30 au coût de 54,93 plus taxes. Les billets sont disponibles via Ticket Pro. C'est pour tous. Forbidden, Evil, Gamma Bomb, Bonded by Blood, lundi 22 novembre, 19h, au Foufounes électriques. Blind Guardian, Holy Grail et Seven Kingdoms, c'est mardi le 23 novembre au Métropolis. Et jeudi 25 novembre au Capitole. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. De toute façon, on est rendu au mois de décembre. C'est un peu loin. Bon, OK. Je vous parlerai pas de cinéma parce que j'ai pas vu grand-chose de très intéressant dans les dernières semaines. Honnêtement, j'attends encore de voir le film The Last Exorcism qui sera probablement très intéressant. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller le voir, pas une minute. En fait, probablement par excès de lâcheté ou simplement parce que je manque de temps de libre. Tout ce que c'est... La vie d'un médecin fou comporte plusieurs choses, plusieurs priorités, telles, entre autres, de devoir exercer son métier de médecin fou, ce qui laisse un petit peu moins de temps pour les loisirs qui sont un petit peu plus, je dirais, normaux. Donc, et puis, ben, le fait que, généralement, je dois côtoyer, ben, en fait, je dois côtoyer, endurer sinistrose, c'est très pénible pour l'état mental, qui est déjà légèrement instable dans mon cas, mais aussi pour le physique. Bref, je serai vous revenir avec probablement des parutions cinématographiques dans les prochaines semaines, peut-être la semaine prochaine, qui seront dignes de mention. Pour l'instant, nous allons continuer avec... Ah, ben oui, j'allais oublier quelque chose, moi, là, d'important. Ben, premièrement, j'aimerais saluer le Hellborg, qui probablement va soit... Mais en fait, soit qu'il m'écoute présentement en direct via le web, ou on va me réécouter via le podcast, qui sera disponible au courant, ben, possiblement peut-être le week-end prochain, sur le site de réanimation, réanimationad.com. Parce que si vous ne le savez pas, vous pouvez réécouter réanimation via le web, bien entendu, par la balado-diffusion, plus communément appelée en bon français podcast. Et vous pouvez réentendre les stupidités qu'on dit, réentendre la bonne musique qu'on passe et réentendre aussi toutes les choses insalubres qui peuvent se commettre ici à Réanimation. Ben, évidemment, il y a une plage de 8 podcasts qui sont disponibles et à tour de rôle, quand il y en a un nouveau qui s'ajoute, ben, il y a le dernier qui disparaît. C'est un petit peu normal, mais normalement, vous pouvez avoir le temps de réécouter au moins, je dirais, au moins 7 fois l'émission. C'est à raison d'une semaine supplémentaire par émission. Donc, je salue le Hellborg, qui est un collaborateur de réanimation, qui s'occupe de faire les super montages qu'on a eu, comme entre autres celui de la semaine dernière. Je sais que le Hellborg Tower se propose possiblement de nous en faire un qui concernera l'anniversaire de Slayer. C'est à voir, ce serait très intéressant. Et je salue aussi, ben évidemment, je vous salue tous et chacun, vous, qui sont... des amateurs de métal et qui sont probablement aussi des amateurs de réanimation. Ben, si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de raison d'être de ma personne et de l'émission. Donc, we salute you. Et je voudrais dire un salut spécial aussi à Pete Leboeuf, qui est mon disquaire préféré, Metal Punk, au centre-ville, sur la rue Saint-Georges. Manquez pas d'aller là. C'est hyper cool et ça vaut vraiment la peine. Donc, nous allons continuer musicalement avec le mini-spécial de Mike Ackerfeld, qui est, selon moi, un des génies musicaux de cette époque, des dernières décennies. Mike Ackerfeld, qui est un personnage qui est né en 1974, qui est un Suédois, qui est bien entendu très connu pour être, entre guillemets, le leader de la formation Black Metal Progressive Hopeth, une très bonne formation, très intelligente. Lui-même est un personnage très très créatif, très brillant dans ce qu'il fait. Il semble-t-il être un personnage relativement semble-t-il que c'est quelqu'un qui est assez simple d'approche, simple de sa personne. Mais il est aussi connu, Mark Greenfield, pour Bloodbath, bien entendu, qui est une version beaucoup plus trash du métal qui lui tient à cœur, mais aussi pour avoir contribué, entre autres, à une formation qui porte le nom de Catatonia avec leur premier album qui s'intitule Brave Murder Day. Et c'est Mike qui a fait le, en fait, pratiquement une bonne partie du vocal de l'album. Et nous allons justement débuter ce spécial Mike Akerfeld avec une pièce, la pièce d'ouverture de l'album Brave Murder Day de Catatonia. La pièce étant Brave. Je suis dans les idées quand même. Et par la suite, nous allons écouter, Opeth, justement, et la pièce Blake, que l'on retrouve sur le très bon album Blackwater Park, pour conclure ce mini-spécial avec Bloodbath, qui est une formation, selon moi, qui est totalement complète dans le style trash death metal. Donc, immédiatement, Catatonia et la pièce Brave.

Bloodbath et la pièce Mark the Cross que l'on retrouve sur The Fathomless Mastery, qui est la dernière apparition de cette formation, je dirais oui, très trash, petites influences death metal à l'occasion. L'album qui est paru en 2008 sur Peaceville, c'est vraiment un très bon album. J'ai découvert la formation Bloodbath avec The Fathomless Mastery. Je me propose bien, un de ces quatre, de découvrir ce qu'ils ont fait avant, avec et sans Mike Oldfield, parce que cet album annonçait, en fait, soulignait le retour de Mike Oldfield au sein de la formation Bloodbath. J'imagine que Oldfield avait moins de temps pour consacrer à ce side project, étant donné que Opeth prend beaucoup de son temps. Juste auparavant, nous avions Bleak, que l'on retrouve sur l'album de Opeth, Blackwater Park, qui est un très bon album, qui est paru en 2002. Il faut bien entendu avoir une certaine ouverture au niveau de la tendance un peu plus progressive du métal, quoique Opeth, généralement, aussi une certaine empreinte de black intelligent, je dois le dire, à l'intérieur de leur musique. Nous avons ouvert avec Catatonia, la pièce étant Brave, pièce d'ouverture de l'album Brave Murder Day. C'est un album qui, ma foi, est particulier. Le groupe l'est particulier. On sait maintenant que la formation Catatonia est devenue beaucoup plus progressive aussi au fil des... Bon, en fait, l'album qui suivait Brave Murder Day, c'est-à-dire Discouraged One, je crois, était déjà un peu moins tendance métal, en fait, black, si on veut, à quelque part. Beaucoup plus progressif, et ils sont vraiment très progressifs maintenant, voire doom progressif. Moi, j'ai arrêté de les suivre au troisième album, parce qu'à un moment donné, je trouvais que c'était un petit peu... Bah, ça correspondait pas vraiment avec mon attente musicale, mais il reste que c'est très bien ce qu'ils font. Et cet album-là a été fait pratiquement en entier, bon, je dirais pratiquement... Oui, c'est le terme, pratiquement en entier, avec au vocal Mark Oldfield, qui est un bon ami à eux. En fait, les formations suédoises, j'imagine qu'ils se connaissent tous un petit peu, parce que la Suède est un pays, mais ici, on pourrait peut-être comparer ça à une municipalité. Bon, je vous rappelle que le Trois-Rivières Metal, 10e anniversaire, 10e édition, il en va de soi, se tiendra les vendredis 15 et samedi 16 octobre. C'est incessamment, c'est la semaine prochaine, le week-end prochain, pas celui qui s'en vient, mais l'autre. Ça se commettra à la bâtisse industrielle qui est située au 1760 avenue Gilles Villeneuve. C'est à Trois-Rivières. C'est à l'arrière de ce qui était l'hippodrome, complexe ludoplex maintenant, de jeux de hasard, pour ainsi dire. J'ai jamais mis les pieds, ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est à l'arrière de ça, ce qu'on appelle communément le terrain d'exposition. Et vous pourrez voir le vendredi 15, Unfallen, Strig Empire, Divinity, Blind Witness, Misery Index, Mon Oncle Serge et Anonymous et The Spies Icon. Tant qu'au samedi, vous pourrez voir Superior Enlightenment, Orfiction, Revocation, Augury, qui remplace Blackguard, Neuraxis, Martyr et Cannibal Corpse. Le tout débute à 18h30, mais l'ouverture des portes se fait à 17h. C'est pour tous. Les billets maintenant, billets individuels, soit pour le samedi et pour le vendredi, on parle de 35$, et tant qu'au forfait deux soirs, qui, bien sûr, si vous avez compris, on parle de deux soirs, c'est soit le vendredi et le samedi. Donc, j'aime mieux spécifier, parce que je sais que parmi vous, mes chers auditeurs, il y en a qui ont tendance à avoir une fuite au niveau de l'intelligence. Donc, c'est 60$ pour la passe deux soirs. Et pour vous procurer les billets, eh bien, c'est très simple. Vous n'avez qu'à vous rendre aux endroits que je vais vous nommer à l'instant même. Musique Daniel Côté, Le Colimaçon, Disque Ruban, Drummondville, Profusion, Montréal, Vision Rock à Québec, aussi Metal Punk, je crois qu'il y a. au centre-ville, les billets pour le Metal Fest, vous pouvez vous les procurer via PayPal. Mille pardons. Via le site de trois-rivières-metal.com. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt en début d'émission, dépêchez-vous, il en reste de moins en moins. Puis je dis pas ça pour vous mettre de la pression, c'est ce que je me suis fait dire chez un revendeur, en fait un marchand du centre-ville, le week-end dernier. Semblait-il que ça va bon train la vente. Donc, pour vous faire prendre et ne pas avoir de billets et de disponibilité pour pouvoir rester au 10e anniversaire du Metal Fest, ben prenez-vous immédiatement, il en reste encore. Talam, paf, fini. Ben non, c'est pas vrai. Il me reste encore le temps pour vous passer une belle chansonnette. La semaine prochaine, je crois, je ne peux pas vous l'affirmer, mais je pense que nous aurons Jeff Hull en tant qu'invité, qui viendra nous, bien sûr, nous parler du 10e anniversaire du Metal Fest, nous faire découvrir quelques bandes qui vont y jouer. Pour ceux qui sont moins familiers, ben même moi, il y en a certains là-dedans que je suis pas familier. Donc, j'imagine que Jeff va se faire un plaisir de venir nous déblatérer tout ça, de nous faire écouter ses trucs, de s'obstiner un peu avec moi et Sinistros. Et peut-être même que je vais leur couper le sifflet carrément si je vois que ça dégénère. Quoique, en fait, non, j'aime beaucoup quand ça dégénère. Même, je pense que je vais encourager le mouvement. Oui, voilà. Donc, 22h50, bientôt 51, c'est ici que tire sa révérence de cette, la révérence de cette édition de réanimation en ce 5 octobre 2010 avec une dernière pièce de Testament, formation américaine, pièce tirée de l'album de Gathering de 1999, Fall of Cypel Dome, qui est une excellente pièce trash metal. En fait, l'album est tout bon. Si vous voulez vous faire l'oreille avec Testament, si vous ne connaissez pas Testament, procurez-vous The Gathering. C'est une valeur sûre à coup sûr. Donc, je vous quitte là-dessus. Et bien entendu, la semaine prochaine, on va se retrouver. Mais d'ici là, vous avez tous le devoir d'aller vous faire foutre. 'Cause I said so.